Chers auditrices, auditeurs de Cannabis, ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr en cette fin du mois d'août pour notre sixième numéro spécial des labels de l'été. Cette grande saga qui nous conduit jusqu'à la fin du mois d'août avant l'émission de rentrée de la semaine prochaine et que vous pouvez retrouver donc en podcast sur le site canalb.fr, également à partir du blog de l'émission asile35.blogspot.fr avec toutes les playlists et à peu près 120 ou 130 numéros de l'Asile le plus sûr à podcaster à partir de vos outils de podcast préférés ou à écouter en streaming dans votre cuisine comme vous préférez. Et cette semaine, ce label qui va nous conduire ces 90 minutes, c'est le label No Business Records qui a été fondé à Vilnius en Lituanie en 2008 par Valerij Anosov et Danas Mikalionis, ainsi que le multisaxophoniste et clarinettiste Liudas Mokunas. Alors la semaine dernière, nous étions en Pologne. Cette fois-ci, c'est un peu plus du côté de la mer Baltique dans cette ville qui a vu naître, et non pas grandir, Clara Rockmore ou encore Emil Ajar, alias Romain Gary. Et le label No Business Records n'a pas grand-chose à faire de ces deux-là, puisqu'il produit du free jazz et du jazz contemporain depuis une bonne dizaine d'années, à raison d'une douzaine d'opus chaque nouvelle saison. Et donc ça fait à peu près une bonne centaine de productions à ce jour. Évidemment, on n'aura pas l'occasion de les passer toutes et tous, d'autant que les titres sont assez longs. Mais une bonne sélection donc pendant cette heure et demie passée en compagnie de No Business Records. Et on va attaquer sans plus attendre avec un trompettiste new-yorkais, puisque le label No Business s'intéresse à des musiciens internationaux, quelques musiciens aussi baltes et lituaniens bien évidemment, mais principalement du jazz outre-Atlantique et aussi européen. Et on va démarrer avec un musicien à qui nous avions consacré une spéciale. Il s'agit de Ned Woolley, le trompettiste originaire de l'Oregon et improvisateur qui ne dédaigne pas de jouer avec un ampli filles et avec à peu près tout ce qui bouge dans le domaine de la stratosphère jazzistique. Et on va attaquer avec un disque qui est sorti en 2016 sur cette étiquette No Business Records. Nat Woolley est aux côtés du contrebassiste Hugo Antunes et de pas moins de 3 batteurs en les personnes de Jorge Queijo, Mario Costa et le troisième, et pas des moindres, c'est Chris Corsado à la batterie ferraille, pour un disque donc qui est sorti juste au mois de juin, juste avant l'été, sous le titre Purple Ratio, et un disque qui fait suite à un autre album qu'ils avaient sorti cette fois-ci en trio. Donc il y avait 2 batteurs en moins, mais également Chris Corsano et cet excellent contrebassiste d'origine portugaise Hugo Antunes. C'était un disque qui était sorti celui-ci en 2012, je crois, sous le titre Malus. Et donc il voit le renfort et le concours de 2 batteurs supplémentaires. Alors ça envoie du petit bois. On attaque avec le titre qui démarre ce disque, donc Purple Ratio, par Nat Woolley, Hugo Antunes, Jorge Queijo, Mario Costa et l'excellent Chris Corsano. We'll be right back. Thank you. Un petit aperçu du jazz frites produit en ex-République soviétique, la Lituanie, par les bons soins du label No Business Records, à qui nous consacrons cette spéciale ce soir, avec un triptyque de disques assez représentatif de cette production No Business. Tout d'abord, la rencontre entre le trompettiste Ned Woolley et sa tripotée de batteurs percussionnistes, tout autant portugais qu'américain, en la personne de Chris Corsano et Hugo Antunes pour la gratouille contrebalistique. Et ce disque Purple Ratio, qui était enchaîné avec un saxophoniste que vous avez peut-être reconnu, il s'agit du Suédois qui est basé à Vienne, Mats Gustafsson, qu'on vous passe régulièrement dans l'asile le plus sûr, avec ce qui était la première production de ce label de Vinus et The Vinus Explosion, comme de juste. Ce CD et double LP qui était sorti en 2008, où on retrouvait le saxophoniste aux côtés dans un quintet, aux côtés de quatre improvisateurs lituaniens: Eugenius Canevicius à la basse, Arkadijus Gotemanes et Marijus Aleska à la batterie, et Liudas Mokounas aux différents saxophones et clarinettes basses. Un enregistrement en concert in situ, évidemment, à Vinus, puisque les activités de No Business sont assez proches de celles du festival de jazz Vinus Mama, qui a lieu, je crois, à la mi-novembre, si d'aventure vous voyagez par là à la Toussaint prochain. Et donc, à noter d'ailleurs aussi que Mats Gustafsson s'était fendu d'un Vinus Implosion, qui était un vinyle solo qui était sorti aussi en 2008 sur la même étiquette No Business, et qui était tout aussi furieux. Et on a terminé ce triptyque par le Trio X, qui est l'excellent projet qui réunissait Joey McPhee aux côtés de ses deux camarades, Jay Rosen à la batterie et Dominique Duval à la contrebasse, qui est d'ailleurs décédé cet été, le 22 juillet, à l'âge de 71 ans, qui avait accompagné notamment pas mal le père Joe McPhee dans ses œuvres, principalement à partir des années 90. Il avait été la section rythmique en or aux côtés de Jay Rosen du label CIMP, et là il s'agissait d'un live in Vilnius, donc encore le son de Vilnius dans l'asile obscur, double vinyle qui était sorti lui aussi en 2008. Je crois que c'est la deuxième production après celle de Mats Gustafsson, enregistrée au Vinus Congress Hall le 27 mars 2006, pour tout vous dire. Et on va continuer avec une formation qui est une vraie découverte en ce qui me concerne. C'est leur second disque. Ils avaient sorti un premier album en 2014. Il s'appelle Fail Better, qui est un nom inspiré de Beckett d'ailleurs. Ça veut dire quelque chose comme échouer mieux. Et le disque s'intitule Out. Alors ça doit être l'acronyme de Odor with Taste, qui doit vouloir dire quelque chose comme flatulence. Voilà, donc ce sont des gens assez facétieux, ce quintet de musiciens portugais qui jouent dans pas mal d'autres trucs à côté, notamment Openfield, The Nap, des publications aussi pour les labels Cleanfeed, Creative Source et autres éphémères. Et à noter qu'on y retrouve l'excellent guitariste Marcelo Dos Reis, pour un superbe travail de texture et de recherche sonore, et un disque particulièrement brillant qui est sorti lui aussi un peu avant l'été, comme celui de Ned Woolley, sous le titre donc Out, ce Fail Better. On va en écouter le titre qui démarre cet opus, qui est sorti en vinyle donc aux éditions No Business. Deux excellentes formations de jazz fractal que vous n'auriez sans doute pas pu découvrir dans l'Asile le plus sûr ce soir sans les bons offices du label No Business Records à qui nous consacrons cette spéciale. On a démarré avec le combo lusitanien Fail Better avec un point d'exclamation s'il vous plaît à la fin et ce disque OUT, l'acronyme donc de Odor with Taste et qui est un excellent disque que je me suis écouté en boucle un peu tout l'été et dans lequel on retrouve un excellent guitariste, comme je vous disais en préambule, Marcello Dos Reis, et des compositions vraiment sublimes. Là, je vous en ai passé une assez courte, mais il y a des titres d'une bonne dizaine de minutes qui sont particulièrement prenants à l'image de toute cette production de ce disque Out par Fail Better. Et on y retrouve aussi l'excellent trompettiste Louis Vicente, qu'on trouve aussi dans pas mal de projets de jazz contemporain européen. Et on a enchaîné avec le Fabric Trio, qui est un combo, lui, très international, puisqu'on y trouve un Allemand qui vit en Allemagne, le saxophoniste Frank Paul Schubert, trop méconnu, un Australien qui vit à Berlin, le contrebassiste Mike Majowski, qu'on vous a déjà passé dans l'Asile le plus sûr, et un batteur grec qui lui aussi vit en Allemagne, sous le nom de Yorgos Dimitriadis, son vrai nom. Et ensemble, donc, ce trio a sorti cet unique album chez No Business Records en 2013, et c'est franchement dommage, parce que leur composition tarabiscotées font sacrément mouche et ça avait été enregistré live d'ailleurs à Berlin le 3 novembre 2010, donc ça fait quand même un bail. Je ne suis pas tellement certain que le trio existe toujours, mais en tout cas il en reste cette superbe production lituanienne. Voilà pour le Fabric Trio et ce disque, je ne vous ai pas donné le nom de l'album, Murmurs, sorti donc en 2013. D'ailleurs, je vous signale que l'ensemble des productions No Business sont disponibles et en distribution pour la France par l'excellent distributeur Metamkin Records. Vous pouvez aussi vous les procurer d'ailleurs chez Sound Home, le distributeur milanais. Voilà, on va continuer avec cette fois des Américains et le label No Business Records a commencé à la fin des années 2000 à s'intéresser fortement à la scène new-yorkaise et la scène des musiciens post-free est particulièrement aventureux. Là, je propose d'attaquer avec une production qui va nous permettre de retrouver trois musiciens qu'on pourrait peut-être considérer comme des seconds couteaux et pourtant ce sont des gens très très importants, des charnières du jazz free en les personnes de Oliemi Thomas, saxophoniste clarinettiste américain donc qui a fait partie du duo Positive Knowledge aux côtés de sa femme, la poétesse Ishkoma Thomas. Il a fait aussi partie du Jungle Orchestra et surtout des projets Celestial Communication Orchestra d'Alan Silva, donc avec lequel il a joué d'ailleurs en duo. Et il est aux côtés du contrebassiste Cyrone, de son vrai nom Norris Jones, qui lui est décédé à Berlin d'ailleurs en 2009 et qui accompagna en son temps Charles Gayle, Cecil Taylor, Jerome Cooper, Leroy Jenkins. Bref, toute la garde du jazz free new-yorkais. Et pour le troisième musicien, c'est un batteur qui lui a officié aux côtés de Steve Coleman et à peu près dans tous les projets de Charles Gayle, Mr. Michael Wimberly. Charles Gayle a aussi sorti d'ailleurs un disque pour les éditions No Business Records en 2010, mais qu'on n'écoutera pas ce soir. Je propose plutôt d'entendre la production de ce trio sous le titre Business Tones Floor, un CD et également vinyle, puisque le label de Vilnius produit assez régulièrement aussi des disques en 33 tours qui étaient sortis donc en 2010 pour un enregistrement à Brooklyn au Brecht Forum, donc une scène un peu underground de Brooklyn. On écoute Oliemi Thomas, Siron et Michael Wimberly. Yeah. Oh. Nouvel exemple des productions qui décoiffent du label No Business Records à l'honneur dans l'Asie le plus sûr ce soir, avec tout d'abord l'excellent trio et les stridences de Siron à la basse aux côtés de Oliumis Tobas et Michael Wimberly, et ce disque Business Tones Floor qui était sorti en 2010, enchaîné avec un genre de disque assez classique dans le registre saxophone contre batterie. Et là il s'agissait de William Hooker, l'américain qu'on retrouve souvent aux côtés des ex-Sonic Youth, notamment Bolly Reynaldo ou encore Thurston Moore, dans des projets qui convoquent autant le free rock que le free jazz. Et il était aux côtés cette fois du saxophoniste lituanien Liudas Mokunas, qui est l'un des co-fondateurs et co-producteurs aussi des éditions No Business, saxophoniste, multisaxophoniste et clarinettiste, qui vient tout juste de fêter ses 40 piges et qui a une demi-douzaine de disques sur cette étiquette lituanienne à son actif. Il a sorti, je pense, une bonne quinzaine d'albums et principalement des duos d'ailleurs chez No Business aux côtés de Barry Guy, de Marc Ducret et donc cette fois du batteur-percussionniste William Hooker, pour ce disque qui datait de 2014, un live au Vilnius Jazz Festival tout bonnement. Quant à William Hooker, il est très très à l'honneur chez les Lituaniens de No Business, qui se sont entichés de sa musique avec pas moins de 4-5 disques, dont un quadruple rétrospective qui est sorti cette année, c'est sorti au printemps de l'année 2016, ce Light The Early Years 1975-1989, un quadruple CD donc de performance live au cours des années 70 et 80, agrémenté d'un livret de 24 pages, parce qu'il faut dire que les gens de No Business font bien les choses. Ils produisent depuis une bonne dizaine d'années pas mal d'archives live de la scène américaine, à laquelle ils ont commencé à se consacrer quasiment à l'origine, et notamment à l'époque d'un triple CD, coffret triple CD des éditions Muntu Ensemble, le projet de Jimmy Moondock, autre saxophoniste de la scène jazz post-free new-yorkaise, qui avait fondé ses Muntu Recordings pour éditer ses différents projets sous ce nom. Et donc No Business avait sorti un disque studio de 1977, un live de 1979 qui était sorti sur Muntu Records, ainsi qu'un live inédit de 1975, et surtout un livret de pas moins de 116 pages sur la trop méconnue Loft Generation new-yorkaise de l'après free jazz, qui avait donc démarré au début des années 70, à l'orée des années 70, on pourrait dire, et qui avait perduré jusqu'à peu près 1978. Et on y retrouvait pas mal de ce qui a fait un peu la légende du jazz à New York, des clubs dans les propres appartements de quantité de musiciens, notamment le Artist House de Ornette Coleman, également évidemment le studio Rigby de Sam Rivers ou le Alice Alley du batteur Rashid Ali, et puis quantité d'autres. Il y avait à peu près une vingtaine de lieux qui se sont partagés un peu l'histoire du jazz post-free à l'américaine. Et donc cette publication Muntu Ensemble de No Business Edition rendait hommage à cette scène avec un excellent livret, comme je vous disais, et un essai d'un américain sur cette scène, pas mal de photos aussi saisies sur le vif, des archives provenant évidemment des archives des musiciens de cette époque, et puis toute une discographie commentée aussi de Jamil Moondock et de ses différents projets. On a quasiment toute la sessionographie au sein de cet excellent livret de Muntu Records. Je propose d'enchaîner avec un extrait de ce disque un peu historique et ce First Feeding enregistré au printemps 1977 par ce Muntu Ensemble de Jimmy Moondock. Thank you. Jazz tonitruant, énergisant dans les ailes plus sûres avec trois archives produites par l'excellent label de Venus No Business Records. Tout d'abord, on a entendu le Muntu Ensemble de Jimmy El Mundoc dans lequel on retrouvait le saxophoniste aux côtés du trompettiste Arthur Williams à qui d'ailleurs le label lituanien a consacré plusieurs disques, notamment une Forgiveness Suite qui est sortie un peu avant l'été. Il y avait aussi le pianiste Mark Ennen, le batteur Rachid Bakri et le contrebassiste William Parker, dont c'était les débuts, sans doute l'un des deuxièmes ou troisièmes enregistrements à l'époque sur cette production qui était sortie en 1977 et qui a été réédité donc sur ce coffret triple CD aux éditions No Business Records. William Parker, qui a fait partie de cette scène qui s'autoproduisait des musiciens post-free dans les années 70 du côté du Lower East Side de Manhattan, avec cette ambiance donc des lofts des musiciens dans lesquels leurs différents confrères se produisaient toutes les semaines, et ça pendant à peu près 7 ou 8 ans, et qui a été très très importante dans la structuration de l'après free jazz. Et donc le label No Business Records a édité quantité de sessions provenant de cette époque Je crois qu'ils sont allés aux États-Unis d'ailleurs les chercher et un peu sur les traces de cette musique. Ils ont édité pas mal d'archives, notamment le projet The Group, dans lequel on retrouvait Andrew Cyril aux côtés de Marion Brown, Billy Bong et Fred Hopkins. Également le Melodic Artet de Charles Brackin, des orchestres de Billy Bong, le violoniste, ainsi que des disques de Keith Jordan, de John Chikai, également Trevor Watts et son groupe Amalgam pour la scène un peu plus free music européenne. Et donc on a enchaîné le Muntu Ensemble avec une autre archive qui est sortie un peu avant l'été de Peter Kuhn, qui était un musicien pas très connu, saxophoniste de son état, qui a quasiment jamais rien sorti à l'époque à part un disque sur l'étiquette suisse Atot au début des années 80. Et donc ce double album aux éditions No Business Records lui rend grâce sous le titre No Coming, No Going, The Music of Peter Kuhn entre 1978 et 1979. Et c'est quelqu'un qui jouait assez régulièrement lui aussi aux côtés de William Parker, mais surtout du batteur Dennis Charles. Et là, c'était une formation dans laquelle on le retrouvait aux côtés du même Arthur Williams et de Toshinori Kondo. Et on a terminé avec le trompettiste lui aussi méconnu Ted Daniels et son Energy Module, une session du 8 novembre 1974 enregistrée au Sunrise Studio, et un titre très court sous le titre Giblet. Et on le retrouvait aux côtés de Oliver Lake et aussi de Daniel Carter pour les soufflants, pour des reprises d'Albert Taylor, Dewey Redman et autres Ornette Coleman. Voilà, on va enchaîner avec une autre formation et archive du label No Business Records. Il s'agit du free jazz group Wiesbaden et le disque Friction et Friction Now. Deux disques étaient sortis en 1969 et 71, enregistrés donc à l'époque en Allemagne en private press, on pourrait dire, édition vers 300 exemplaires, jamais réédité par la suite. Et on va écouter un extrait du Friction Now Part 1, le projet de Dieter Scherf, des musiciens totalement inconnus qui sont revenus aussi à la surface grâce aux bons offices du label No Business Records. On écoute le Free Jazz Group Wiesbaden.

atterrissage sur coussin d'air pour cette spéciale No Business Record sur antenne 94 MHz avec un quartet contemporain cette fois et un disque de 2014 sous le titre Away a Land of Life par le contrebassiste Jason Ajemian, le saxophoniste Tony Malaby, le trompettiste et aussi électroacousticien Rob Mazurek et son acolyte percussionniste Chad Taylor, l'une des nombreuses productions de ce label de Vilnius. Pour conclure, je n'aurai qu'un mot, un label qui est capable de produire un sextuple CD d'archives de William Parker entre 1976 et 87 ne peut pas être tout à fait mauvais. Voilà, j'espère que cette émission vous aura plu. Je vous rappelle qu'elle est entièrement réécoutable, podcastable, avec sa playlist à partir du blog asile35.blogspot.fr. La semaine prochaine, émission de rentrée avec l'actu de l'Asile le plus sûr. On se quitte avec un dernier disque et le Red Trio, un trio lusitanien, là encore, dans lequel on retrouve le contrebassiste Hernani Faustino, le batteur c'est monsieur Gabriel Ferrandini et le pianiste Rodrigo Pinheiro. Ils avaient sorti plusieurs disques sur étiquette No Business Records. Là, ils sont en compagnie du saxophoniste britannique John Butcher pour un disque qui s'intitule Empire, et on termine avec un titre au nom assez spécial, Pachyderme. Je vous souhaite une excellente nuit, également une très très belle rentrée, où qu'elle soit, à la crèche ou ailleurs. Je vous souhaite donc le meilleur et je vous dis à l'année prochaine, ou plus exactement à la rentrée prochaine, c'est-à-dire la semaine prochaine. À bientôt. Thank you.

Thank you.